Radio Campus, Lille, 106,6 FM. Random. Random. Émission radiophonique. 19-20h. De l'information. De 19h à 20h. Radio Campus. C'est random. Mégahertz. 106,6. Du groupe Dégénéré Science Lille. Un dimanche sur deux. Random, l'émission préférée des N-Tech. Oh, comme c'est fort. Voilà, donc bonsoir et bienvenue sur Random. C'est la 22e, donc nous venons de dire. La 22. Et qu'est-ce qui va se passer pour la 22 ? Déjà, nous sommes trois. Donc, bonsoir, Little Charlie. D'accord, donc bonsoir, DB. Bonsoir. Bonsoir, Man Martigan à la réalisation. C'est moi, salut. Et bonsoir, Little Charlie. À la réalisation. Bonsoir. Ça y est, c'est les termes. On se prend pour France Inter maintenant. Ah merde, ça m'a échappé. Ah non, mais. Bon, bah, Man Martigan à la technique. Voilà. Donc de quoi allons-nous parler ce soir ? DB, je te laisse présenter un petit peu. Ouais, alors d'abord, bon, ben, comme d'habitude, hein, le plan actualité, dossier et agenda. Et puis après, ben, donc dans les actus, ce qu'on va faire, on va faire comme d'habitude un petit point sur l'actualité du milieu hacker français et international. Un petit point sur la loi Hadopi, notre petit marronnier de l'émission. On peut pas faire une émission sans parler d'Hadopi. On parlera rapidement d'AXA. Si, je pense que dans le futur, on fera une émission. Dans le futur, on ne parlera pas. Ouais. Sur le filtrage d'Internet et la neutralité des réseaux, parce que NKM continue son festival. On parlera un petit peu également du joyeux monde de l'infosec, donc de la sécurité informatique. On parlera du maire de Grande-Synthe qui a refusé de renvoyer un papier à Hortefeux. Et puis de trois autres trucs, notamment l'affaire Huawei-Mania. On en avait déjà parlé dans Random, on va vous donner un petit peu la suite. Et on aura un dossier, je te laisse Little Charlie expliquer le dossier. Oui, alors on fera un dossier sur la réappropriation des technologies sexuelles par les bidouilleurs et par d'autres personnes. Donc on fera un dossier sur les sextoys do-it-yourself. Et tout ça, ça provient d'un événement qui a eu lieu au Hack Lab, au Temple Lab à Paris, qui normalement devrait se redérouler aux alentours du 19 septembre, d'après ce que j'ai compris. Le 19 septembre, et on annoncera dans l'agenda que le 19 septembre, en plus, ce sera un week-end de soutien à toile libre, à Paris, il y aura plein de trucs à Paris ce week-end-là. On va commencer l'émission gentiment. Par les actus. Alors la première actu, c'est que l'association Le Local Host est créée. C'est-à-dire que si vous vous rappelez bien des épisodes précédents, donc Le Local Host, l'association porteuse d'un projet de hackerspace sur Lille, sur l'Eurométropole lilloise, voyez-vous. Eh bien, on avait besoin en fait de créer l'association pour la simple et très bonne raison que, comme ça, on pouvait continuer à discuter avec la mairie de Lille, puisque en fait, suite à la fermeture des hauts lieux, il y a eu un certain nombre de contacts qui ont été pris, et comme on avait les soutiens, comme le projet avait reçu les soutiens officiels d'un certain nombre de partis politiques et de personnes importantes sur Lille, en fait, on avait donc été mis en contact avec la mairie de Lille, les contacts en fait se continuent, on avait besoin de la création de l'association, donc il y a eu 2 mois pendant l'été où on a vraiment discuté des statuts, de qui allait faire quoi au sein de l'association. Il y a eu une assemblée générale qui a eu lieu lundi dernier, Assemblée générale constitutive de l'association, pendant laquelle ont été votés les statuts à l'unanimité, et puis pendant laquelle également le conseil d'administration a été élu, lui aussi, à l'unanimité. Donc un conseil d'administration de 6 personnes, c'est pas mal pour débuter le premier conseil d'administration de l'association. On commence avec une équipe de 6 personnes, c'est pas comme si on était 5 gus dans un garage. Et puis, les statuts ont été déposés en préfecture, et ça sera bientôt paru au journal officiel, et puis ce sera officiellement créé avec une identité, enfin une personnalité morale qui nous permettra d'ouvrir un compte, etc., etc. Bon, ça c'est un petit peu les détails techniques, mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, l'association Le Localo s'est créée. Maintenant, on se met en recherche active, très très active, d'un nouveau local pour redémarrer l'activité. Et toutes les idées, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Hein. De toute façon, voilà, dès qu'on a la possibilité de prendre un local à pas cher, voire à gratuit, on le prend. On va monter un hackerspace à Lille, ça devient réalité et c'est pas plus mal. Autre news en fait dans l'actualité du milieu hacker, c'est que le Chaos Computer Club. Donc le plus ancien groupe de hackers au monde, un truc en Allemagne assez important, une association très importante en Allemagne dans la vie politique du pays, qui s'est fondée en 1984, c'est-à-dire un groupe de hackers qui existe depuis l'époque du mur de Berlin quand même. Ils ont annoncé là que ils ont annoncé donc le 8 oui ils ont annoncé le 10 plutôt le 10 8 donc le 10 août qu'il y aura bien un Chaos Communication Camp à l'été 2011. Alors qu'Ezaco, le Chaos Communication Camp, le Chaos Computer Club organise tous les 4 ans un grand festival d'été, donc ça sous la forme d'un camping sur 4-5 jours. Une fois tous les 4 ans, pendant l'été, au mois d'août, ils organisent ça. Ça se passe en 2 ans, enfin avec 2 ans de décalage, avec un événement qui se passe en Hollande. Donc tous les 2 ans, enfin tous les 4 ans, il y a un truc en Hollande, et 2 ans plus tard, il y a un truc en Allemagne. Il y aura bien un Chaos Communication Camp en 2011 en Allemagne, donc ce sera traditionnellement du côté de Berlin. La dernière fois, c'était dans un ancien camp militaire soviétique avec des anciens missiles, des anciens lance-missiles et des anciens... Normalement, c'est toujours sur la base militaire pas loin de Berlin. Ça se passera a priori au même endroit. C'est cool. Il y a un truc rigolo qui s'est passé aussi, c'était la conférence Crypto 2010. Donc une grosse conférence annuelle de recherche en cryptographie, donc des maths. Il y en a pour à peu près un an de lecture, donc comme ça c'est cool. Il y a plus de, je sais plus, il y a genre 200 papiers qui ont été publiés. Alors tous les papiers ont été publiés en PDF, on peut aller voir sur iprint.iacr.org/2010. iprint.iacr.org/2010 et on a toutes les tous les papiers en fait. Il y a même tout, d'ailleurs en fait toutes les archives des années précédentes également. Donc ça c'est vraiment si on veut se tenir au courant de comment ça marche la crypto en 2010, on a le truc. Et puis il y a un éditeur allemand, Sprinter Verlag, qui a publié également tous les papiers en format papier, c'est en vente sur internet, je sais trop, chez Amazon par exemple. Dernière news, mais pas des moindres, pour clore un petit peu les 15 jours d'actualité du milieu hacker. On a DanNews qui a été censuré par son hébergeur. Alors DanNews, qu'est-ce que c'est ? C'est le principal organe de news du milieu hacker français. C'est un flux RSS très très prisé, parce que c'est là que passent un petit peu toutes les news interne du milieu, et puis tout ce qui peut se passer à droite et à gauche sur des sujets un peu connexes du milieu hacker, vidéosurveillance, les grosses affaires d'espionnage, etc. Et ils avaient déjà dû changer d'hébergeur parce que leur premier hébergeur avait décidé d'arrêter. C'était un truc associatif maintenu par une personne qui avait décidé de passer à d'autres choses. Et puis ils avaient donc repris un hébergeur qui les a carrément virés, donc c'est ByteHost7. Byte07 qui a donc carrément décidé de virer le compte sans préavis parce que ça leur plaisait pas, c'était pas dans leur charte, machin, alors ils ont viré l'hébergeur. Donc du coup tout le monde s'est demandé pendant une semaine qu'est-ce qui s'était passé. La réponse sur le blog de Lotfree, donc l'orga de ce truc-là, de The News, qui a répondu le 22 août dernier que The News est offline pour le moment parce que il y a un problème d'hébergeur, quoi. L'hébergeur les a virés. Donc voilà, pour les personnes qui pensent en fait que les hébergeurs sont gentils, sympas et qu'on peut prendre n'importe quel hébergeur, le jour où l'hébergeur se rend compte que que c'est pas dans sa charte, que voilà, il peut virer votre site web comme ça, comme il veut. Alors pour tous les utilisateurs et utilisatrices de MySpace ou autres forums, enfin Blogspot, Skyblog, machin, c'est pas tout à fait de la liberté d'expression ces trucs-là. Je pense qu'on peut rebondir sur cette actualité et parler aussi du CCL, le Centre Culturel Libertaire de Lille, qui a maintenant sa page Facebook avec son agenda. Exact. Et donc après plus d'informations, la page Facebook n'est pas une page officielle, donc quelqu'un a pris l'initiative de faire une page du CCL avec toutes les infos et l'agenda, mais ça n'a pas été validé en AG, donc c'est pas officiel. Donc t'es allé gueuler en AG pour avoir ça ? Bah on m'a juste dit que ça avait jamais été acté et que c'était pas... D'accord. Et qu'il ne savait pas du tout qui était la personne derrière cette page. D'accord. Et est-ce qu'il y a une volonté, enfin il y a une décision du CCL par rapport à Facebook et de manière plus générale au 2.0 ? Il y a à la fois la volonté de ne pas utiliser les outils de grosses structures de multinationales américaines, mais il y a quand même l'utilisation individuelle de ces outils 2.0 par des militants pour faire passer les infos pour des manifestations, des photos de concerts punk au CCL. Ouais. Donc il y a... C'est un peu comme tout le monde, c'est pas un refus global, parce qu'il y a quand même des points intéressants dans ce que fait... Et aussi parce que tout le monde est là-dessus, et que la dépendance est organisée autour de ces outils-là pour qu'on ne puisse plus s'en passer, donc... Donc voilà, ok, c'est une petite news petite news sympathique sur le CCL, le Centre Culturel Libertaire de Lille, qui se trouve 4 rue de Colmar, métro Porte des Postes. Si je dis pas de conneries. Faut y aller, ils sont sympas, et puis il y a des trucs bien qui s'y passent. Bon, alors l'actualité Adopi, peut-être on va passer de la musique, allez, on passe de la musique. Qu'est-ce que tu nous mets ? Ta numéro 2, là. La numéro 2, c'est Neorin, Do It Yourself. Alors oui, c'est un morceau intéressant. En plus c'est tout à fait raccord avec le dossier de tout à l'heure. Avec le dossier de tout à l'heure, donc c'est Neorin, Do It Yourself. Alors c'est un artiste intéressant, on a découvert ça plus ou moins par hasard, c'est Mademoiselle qui me l'a fait découvrir. Donc c'est un truc assez intéressant au niveau du son, c'est un peu big beat machin, il fait les trucs un peu à la Prodigy, vous écouterez. Et en fait ce morceau Do It Yourself, il est featuring N.I.N., donc featuring Nine Inch Nails. C'est un artiste anti-Adopi, foncièrement anti-Adopi, Neorin, qui a publié plusieurs tribunes sur son site là-dessus et sur divers sites web, qui fait de la musique en licence libre, donc en licence Creative Commons. Et c'est un truc qui a été fait à partir de son des deux derniers albums de Nine Inch Nails. Qui sont en licence libre également en Creative Commons. Et à savoir que Nine Inch Nails a mis un site web en ligne qui s'appelle remix.nin.com. Et sur ce site web, on peut choper carrément des remixes faits par des gens à partir de morceaux de Nine Inch Nails. Donc voilà, comme quoi il y a Radiohead, il y a Nine Inch Nails, il y a quand même des gros gros artistes qui vendent énormément de disques sur des carrières qui sur 15 ans de carrière ils ont vendu énormément de disques et qui derrière maintenant passent en licence Creative Commons. Pour les gens qui disent que non, ça n'existe pas, que la musique libre c'est que pour des gens qui font de la musique dans leur garage, non pas du tout. Il y a des grands grands artistes internationaux, des personnes connues et reconnues dans leur style de musique qui le font. Donc là on va passer Neorin Do It Yourself, enfin Neorin featuring Nine Inch Nails Do It Yourself, et écouter parce que c'est vachement bon. Voilà, donc un petit jingle pour savoir comment nous joindre, et puis derrière le morceau qui a été super présenté quoi, tout à l'heure. Vous pouvez nous joindre au 03 20 91 24 00 pendant les pauses musicales via Silk sur silk.dg-sc.org, canal random, et retrouver nos infos sur lille.dg-sc.org/random. Oh, viens, je t'amuserai, je te le promets. We'll be right back. Voilà, donc de retour dans le studio avec ce petit morceau bien sympa qu'on s'est permis de mettre un petit peu à fond dans le studio, dans le là, studio. Histoire de profiter. S'il y avait des morts à la fac, ben on les a réveillés. Voilà. Il faut savoir qu'en général, il y a un des animateurs qui propose des pistes et les autres les découvrent en même temps que vous. Donc voilà, pour nous aussi, c'est des chouettes découvertes des fois. je repensais à la fois où tu as posé un truc... C'était au début. C'est dans l'air. Oui, c'est dans l'air. Qui était plus libre quand on l'a passé en plus. Ah. Ouais, je trouvais intéressant de passer une autocritique de. Oui, bah oui. Oui. Oui. Donc, bah, on va continuer les news. On va rapidement torcher Adopi, Acta, filtrage d'internet. Bon. On en parle à chaque fois, donc on va continuer à en parler. Alors, sur le front de l'Adopi, bon, il y avait un truc un petit peu rigolo, c'est que le magazine Rolling Stone. Donc Rolling Stone Magazine, un des grands piliers de la presse rock'n'roll mondiale, a publié un truc assez rigolo, une lettre ouverte aux majors, qui remercie les majors de mettre des bâtons dans les roues de tous les gamins de 15 ans qui veulent découvrir des groupes, découvrir des vieux groupes et se faire un avis sur la musique, télécharger des anciens trucs pour pouvoir s'approprier les nouveaux trucs qui sortent, etc., etc. C'est plein d'humour, c'est en anglais bien sûr, mais ça prouve en fait que justement toute cette démarche de l'industrie du divertissement à vouloir absolument fermer tout ce qui se passe, ben voilà, ça fait chier vraiment vraiment beaucoup de monde, y compris ben dans les trucs comme Rolling Stone Magazine, qui sont pas des petits trucs, hein, c'est vraiment un des grands leaders de la presse rock mondiale. Et quand il publie un truc comme ça, ça passe pas inaperçu, voilà, on le cite, et puis on mettra un lien dans le résumé de l'émission, qu'il faudra qu'on s'y remette à faire des résumés d'émissions un jour. Mais voilà, bon, sinon Adopi continue sa propagande, bon bah alors là, c'est vraiment, pour le coup, le premier acte de propagande gouvernementale réelle sur Adopi. Il y avait eu le site j'aime-les-artistes.fr qui avait coûté je ne sais combien de millions d'euros, de milliers d'euros plutôt en hébergement et en montant le site web pour tout ça, puis finalement le site web s'était pris un dos, je sais plus. J'aime les artistes.fr, c'était assez rigolo comme truc. L'hébergeur avait fini par jeter l'éponge d'ailleurs suite à un certain nombre de propos et de réactions qui avaient eu lieu de la part des anti-Adopi. Le premier acte vraiment officiel de propagande gouvernementale sur la loi Adopi, c'est l'affaire des péages. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ces jours derniers, Adopi a fait distribuer sur un certain nombre de péages d'autoroute pour les retours des vacances d'août, hein, donc a fait distribuer un dépliant. Un dépliant tout à la gloire de la Adopi, qui explique un petit peu le principe, donc voilà, le principe de riposte, de réponse graduée, le principe on va vous couper internet parce que vous téléchargez et que c'est pas bien, essayer d'expliquer que, c'est une loi juste et essayer d'être pédagogue, parce que le but du jeu, quand même, de la loi, c'était d'être pédagogue, paraît-il. Et donc l'affaire des péages, donc ça c'est rigolo parce que ça a été abondamment commenter sur internet, hein, on peut retrouver les réactions de beaucoup de gens et de collectifs impliqués dans la lutte anti-Adopi. Deux choses intéressantes, la première chose c'est le prix, le coût de ce dépliant et de la distribution de ce dépliant est de 38 000 euros quand même. Hein, on fait un flyer pour une soirée, ça coûte peut-être 100 ou 200 ou 300 euros, là c'est un dépliant qui coûte 38 000 euros quand même. C'est excellent. Et donc tout ça, c'est de l'argent public. Hein. Voilà, c'est dans le budget de fonctionnement de la Adopi. Faut bien comprendre. Et autre chose, en fait, il y a beaucoup de gens qui se demandent si c'est pas tout bêtement illégal, puisqu'il y a quand même des articles de loi qui disent qu'on n'a pas le droit de distribuer des tracts sur les routes. Alors après, est-ce que... Ouais. Je pense que c'est quand même tout indiqué de donner ces dépliants à un péage, puisque justement avec les viols de la neutralité du net répétés de la part du gouvernement et de l'UMP, bah, on s'attend à arriver en internet à péage, donc je pense ouais. que même si c'est illégal, c'est peut-être tout indiqué pour expliquer la philosophie. C'est vrai que symboliquement parlant, quand on en reparlera dans 10 ans, on se rappellera que le premier acte de propagande gouvernementale sur la loi Adopi, qui est la première vraie loi à vraiment violer, pour le coup, la neutralité du net, on se rappellera que ça a commencé sur un péage, sur un péage autoroutier. Alors, sur le front de l'ACTA, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, ça se passe toujours en sous-main, c'est juste qu'il y a Numérama a publié un article qui dit que ACTA pourrait être finalisé en septembre au Japon, donc il pourrait y avoir une version finale d'ACTA au Japon. De toute façon, elle fuitera, et puis comme d'habitude, on en reparlera, et puis c'est encore un traité qui sera jamais appliqué parce que pas applicable. Donc bref, voilà. Alors, sur la neutralité des réseaux, on avait parlé il y a deux semaines de la publication du rapport de NKM sur la neutralité du net, qui dit un peu tout et n'importe quoi, qui à la fois dit qu'il faut préserver l'innovation, tout ça. On parle toujours d'innovation, on parle d'un point de vue commercial et industriel, jamais culturel. Mais derrière, on dit quand même que oui, voilà, il y a les opérateurs qui ont des ressources limitées, donc c'est normal qu'ils priorisent plutôt certains flux. Voilà, bon, en gros, on dit tout son contraire, et on retrouve quasi mot pour mot parfois les déclarations de certains opérateurs au colloque de l'ARCEP sur la neutralité du net. Ouais, voilà, on citera personne, hein, mais je crois qu'Orange et Bouygues. Figure dans la liste. Alors là, justement, NKM continue son festival, parce que suite à la publication de ce rapport, qui ne répond en rien aux questions qui ont été posées sur une position forte du gouvernement sur la neutralité du net. Bon, on publie un rapport qui nous explique que la neutralité du net, ça peut très bien se marier avec un filtrage et une censure. Ok, très bien. Donc du coup, les réactions ont été extrêmement mauvaises vis-à-vis de ce rapport. Donc, Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État à l'économie numérique, publie en fait une tribune qui dit, et alors là c'est excellent, la neutralité du net est un principe plutôt qu'un credo. C'est génial. La neutralité du net, c'est un principe, donc on s'en fout, on peut faire tout ce qu'on veut, ce n'est pas un credo. C'est pas quelque chose qui dicte une politique, c'est quelque chose dont on doit vaguement s'inspirer. Quand ça nous intéresse, on fait de la neutralité du net, quand ça nous intéresse pas, on fait pas de la neutralité du net, et puis finalement, de toute façon, on fait ce qu'on veut. Donc, ce qu'il y a dans la Constitution sur le respect du droit d'expression, sur la non-censure et sur le droit d'information, ça se voit dessus. Ouais, mais on rappelle quand même que bon, la Constitution, c'est le truc qui sert une fois de temps en temps à censurer Adopien, et qui, à côté, ne censure pas. Ouais, donc il faudrait s'en débarrasser, finalement. Oui, c'est vrai, c'est extrêmement chiant, la Constitution. Bon, il y a un certain nombre d'autres réactions qui ont été rigolotes, bon. C'est pas tout à fait en réaction à ça, mais un petit peu l'accumulation. Christian Paul, donc le député PS de la Nièvre, a publié une tribune publique chez Numérama concernant le principe de neutralité des réseaux de communication. J'avais lu le début en diagonale, ça avait l'air pas mal. Mais je vous invite à le lire quand même, parce que c'est bien, tout. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Lisez, mais faites pas comme moi qui ne lis pas. Et puis basta, voilà, donc filtrage d'internet et neutralité des réseaux, c'est quand même mal barré en France, ça fait un an qu'on le dit, mais voilà, on voit un petit peu où ça mène. Il y a un moment où il faudra laisser tomber le lobbying et l'activisme législatif pour faire du vrai et activisme. Et c'est toi qui dis ça, quoi. Je commence à en avoir un peu marre de m'investir autant pour essayer d'expliquer à des politiques qui n'ont pas envie de comprendre. Oh là là là là. Eh, mais alors, Little Charlie qui nous balance la révolution. En plus, il est remis un martinet en chambre à air. Attention, ça va claquer. Ah, mais est-ce que t'as fait là, quoi? Oh là là. C'est violent, c'est violent. Je tiens à dire que tous nos auditeurs qui connaissent GCU, il y a une boule qu'on peut mettre dans les dents. On appelle ça un baillon boule, mais on verra ça plus tard. Un baillon boule, mais je suis menacé. Je suis menacé. D'ailleurs, si tu finis pas vite les actualités, je te mets le baillon. Ouais, je crains pour ma vie. Bon, il y a d'autres trucs rigolos. L'ICANN a annoncé qu'elle activera DNSSEC en septembre, donc elle fera la bascule DNSSEC en septembre. Bon, voilà, c'est bien, on va avoir du DNS sec un peu partout dans le monde. On verra enfin quand il y aura des DNS menteurs, du genre de ceux de SFR ou de OpenDNS qui trafiquent les résultats. Mais qu'est-ce que tu dis là? Tu vas avoir des problèmes, toi. rachat de McAfee par Intel, on s'en fout, on n'utilise pas McAfee. Microsoft qui balance des alertes sur des risques d'attaque contre des applications Windows, on s'en fout, on n'utilise pas Windows. Enfin... Ne regardez pas comme ça. On n'utilise pas Windows, mais on remarquera quand même que le studio de Radio Campus est passé d'un Linux à un Windows. Hein. Ah ouais. Non, il y a un double boot, je crois. Non mais il n'y a personne qui utilise Linux à Radio Campus, c'est pas bien mais bon voilà. Et le cartoucheur est un truc qui s'appelle Open Radio et qui est pas libre. Ça s'appelle Open mais c'est pas ouvert. C'était pour charmer le BSDiste qui est en face de moi pour... pour pouvoir mieux lui mettre des coups de martinet après. Voilà, c'est ça. Exactement. Excellent. Alors oui, on va continuer rapidement sur les news, les derniers trucs qui traînent. Il y a un projet de hausse de la TVA sur les offres Triple Play. C'est excellent. Ça franchement je suis tombé des nues en lisant ça. Le prix de la DSL est à 30€ en France parce qu'il y a une énorme il y a une énorme concurrence sur le secteur ADSL qui vient du fait que jusqu'à l'implosion complète du modèle de commercial de l'internet par France Télécom à l'époque, c'est-à-dire le bas débit qu'il fallait payer à la minute, etc., etc. Il y a eu beaucoup de monde qui s'est mis à faire la DSL parce qu'on pouvait faire beaucoup d'argent très très vite vu qu'on pouvait avoir beaucoup de clients. Et que les gens voulaient ça. Donc du coup il y a eu beaucoup de monde qui a fait de la DSL. Du coup le prix de la DSL a descendu en France jusqu'à un niveau qui est celui de 30€. Il faut savoir qu'à 30€ par mois il faut 3 ans pour qu'un client soit rentable du point de vue du fournisseur d'accès. Autrement dit, on a vraiment cassé les prix, il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Et là maintenant on veut augmenter la TVA sur les offres triple play parce qu'il y a de la c'est télé. C'est surtout parce que les gros opérateurs sont des magouilleurs au niveau de leur activité de leur activité de fournisseur d'accès. Ils disent que c'est pas leur activité principale, qu'ils font beaucoup de ventes de contenu culturel, de télé, de films, etc. Donc ils considèrent qu'il y a 50% de leur revenu qui est pas du réseau mais des films. Ils subventionnent leur activité de FAI avec les films qu'ils vendent, donc ça distord la concurrence vis-à-vis de petits FAI qui, eux, ne vendent pas de télé, donc ne se récupèrent pas. Et ils arrivent à facturer quand même 50% de TVA réduite pour des zones qui sont non découpées et qui ne seront pas dégroupées avant une dizaine d'années. Et donc, ils ne peuvent pas recevoir la télé, ce qui est vachement logique. C'est, ouais, voilà, donc on magouille jusqu'au bout. Et donc voilà, donc en fait une hausse de la TVA sur le triple play, ça nous amènerait à genre 1€ par abonné par an, enfin par abonné par mois plutôt, et c'est quand même, voilà, c'est symbolique quand même, les fournisseurs d'accès internet qui s'en mettent par les poches quand même, hein, faut bien dire ce qui est, et puis là, bon, le gouvernement qui va prendre aussi un petit peu sa dîme là-dessus. Oui, alors bon, sur le front de la sécurité, juste quelques mots à propos quand même du maire de Grande-Synthe. Donc Grande-Synthe, c'est une ville, en banlieue de Dunkerquoise, c'est juste à côté de Dunkerque, qui a publié en fait une tribune qui s'intitule « Pourquoi je ne répondrai pas à Hortefeux ?». En gros, Brice Hortefeux, donc ministre de l'Intérieur et la Cohésion nationale, non, la ministère de l'Intérieur et de la... bref, ministre de l'Intérieur de et de l'Identité nation. Nationale. De l'Identité Nationale, exactement. Je cherchais, c'est vraiment des mots que j'aime pas utiliser. De l'Identité Nationale. Attends, on en a parlé tout cet été. Oui, on en a bien parlé, mais bon. À tel point qu'il y a l'ONU qui nous dit bon, faut arrêter là, parce que franchement, là ça craint votre racisme à deux balles. C'est vraiment. Voilà, bon, la France qui se fait engueuler par l'ONU quand même. Voilà, c'est symbolique aussi dans le genre. Et donc le maire de Grande-Synthe, enfin le Hortefeux a envoyé donc un questionnaire à chaque maire de France, chaque maire d'une ville de France, pour lui demander pour demander au maire de France ce qu'ils font en termes de sécurité dans leur ville. Le maire de Grande-Synthe a trouvé ça complètement ouf, parce que c'est complètement ouf, et il a refusé de renvoyer ce questionnaire bien entendu, et il a publié une tribune pour s'en expliquer. Vous imaginez quand même qu'un maire qui est quand même souverain chez lui, enfin, il fait quand même, il administre sa commune, il reçoit une directive ministérielle pour rendre des comptes sur ce qu'il fait en termes de sécurité, y compris tous les petits patelins où il se passe jamais rien. Et mieux que ça, le maire répond, publie une tribune, et derrière ça fait polémique. Voilà où on en est arrivé. Le simple fait de gueuler parce que le ministre demande de faire n'importe quoi, bah, ça provoque polémique en France. Voilà où on en est arrivé en termes de sécurité, de politique sécuritaire et liberticide en France. Dernière chose, alors pour finir sur une note un petit peu rigolote, l'affaire Huawei Mania. Donc alors, Huawei Mania, on en avait déjà parlé, c'est donc un site web qui propose des liens vers des trucs de téléchargement, qui est blindé de pubs, et qui est très connu parce que très vieux, enfin relativement ancien dans le milieu Warez, machin. Qui dit pub sur un site à fort trafic dit beaucoup, beaucoup de pognon généré. tout ce pognon allait dans la poche, enfin allait, on suppose va toujours, dans la poche de l'administrateur et créateur du site qui c'est, comment il s'appelle ? Zach, exactement, S-Z-A-C, Zach. Donc Zach risque d'aller en tôle. Puisqu'il y a un jugement et il y a un juge qui a demandé une détention provisoire à moins qu'il paye une certaine caution de 20 000 euros. Cette caution de 20 000 euros, il y a une association qui en fait a été plus ou moins perçue comme association de soutien officiel à Zach, la Tilde, qui avait, on en avait parlé en fait, elle avait fait une action coup de poing chez une association de défense des droits des ayants droit culturels. Et avait réuni 11 000 euros, il lui manquait 8 400 euros à peu près pour... 8 443 ou un truc. Ouais, voilà, un truc comme ça. Et à... Et quelques centimes. Et quelques centimes. Et justement, ils ont reçu, via un virement bancaire provenant d'une banque située à l'île Maurice... La somme exacte au centime près. Non, à 20 centimes près. 43 centimes. 43 centimes près. Ils auraient pu faire à 42 centimes près, au moins 42, il y aurait eu la réponse. Au moins ça aurait été rigolo. Mais voilà, donc en gros, là, le président de la Tilde, quand il a vu ça, il a dit ça, ça porte un nom, ça s'appelle du blanchiment d'argent. Parce qu'en gros, c'est l'association qui gérait un fonds de soutien pour permettre à Zach de payer sa caution et de rester libre jusqu'à son procès. Son procès qui est prévu pour en 2011. Donc en gros, il va faire plusieurs mois de tôle si jamais on lui paye pas sa caution. Alors lui, il avait les moyens de la payer parce qu'on sait quand même qu'un site web qui reçoit 50 000 visiteurs uniques par jour avec plein de pubs dessus, on connaît les régies publicitaires qu'il utilise, etc., etc. Donc il y a divers observateurs et observatrices qui ont publié des chiffres qui vont du simple au triple. Mais on se dit quand même que 20 000 euros, il avait carrément de quoi les sortir. Donc s'il veut pas les sortir, c'est parce qu'il veut vraiment pas les sortir. Et donc la Tilde a publié ça. Et donc le mec, il reçoit un don qui correspond exactement à la somme qui manque, provenant d'un paradis fiscal. Et on le dit, enfin il se dit carrément, ça c'est une banque à Zach, parce que le président de la Tilde connaissait bien Zach apparemment. Et ben il a décidé de premièrement publier le relevé de compte de l'association pour bien faire apparaître que y a quand même un truc un peu chelou qui vient d'arriver. Décider de publier ça, donc non seulement le document du relevé de compte de l'association, mais en plus toutes les explications qui vont avec, c'est-à-dire que ben voilà, il est certain que ça vient bien de Zach lui-même qui cherche à blanchir de l'argent, et puisque apparemment c'était un copain à Zach et qui vient de tomber de haut, il décide de démissionner de ses fonctions et de quitter l'association. C'est quand même excellent. Là, donc voilà, l'économie parallèle du téléchargement sur Internet, y a quand même de l'argent qui circule dans l'histoire. Et c'était un truc un peu rigolo, quand même du blanchiment d'argent, mafia style, dans l'économie parallèle d'Internet. Pour celles et ceux qui sont pas encore au courant. On va arrêter avec les news parce que du coup, tu n'auras pas beaucoup de temps pour parler de ton sujet. Ouais, là, on passe une petite musique et après, on se retrouve pour le dossier sur les jouets sexuels hackés, bidouillés. Et autres. Voilà, tout à l'heure. Hello, Richie. Thank you. valid memory. Yeah. Voilà, donc vous venez d'entendre Equal Remix par Pocket Master, et nous allons passer au sujet présenté par Little Charlie. Donc, le sujet donc, des sextoys fait et bidouillé. Donc, il y a eu donc, ce week-end un atelier au Templab à Vitry-sur-Seine sur la réappropriation des technologies sexuelles donc par les hackers, mais, ou aussi par des personnes... d'autres personnes, des simples citoyens. Le but c'était de détourner des objets du quotidien pour en faire des objets sexuels. On a essentiellement travaillé sur deux types de projets. Un projet de Ben Michet ou Plug ou autre. Fait par des machines à prototypage rapide, donc les RepRap dont on a parlé plusieurs fois dans l'émission, qui vont en fait imprimer en 3D des couches successives de plastique. Donc on a fait le design sur un logiciel libre qui s'appelle Wings 3D. Donc on a essayé de faire un modèle composé de plusieurs sphères qui imitent un peu les boules de geisha pour faire un peu plus de plaisir quand ça sort ou que ça rentre. Dans l'endroit indiqué. Indiqué. On a rajouté donc quelques vaguelettes sur les sphères rajouter un peu plus d'effets. Et on a commencé à imprimer l'objet. Donc comme c'est un objet qui est assez effilé, l'impression s'est faite en deux morceaux en fait. Par dans le sens de la longueur de l'objet. Parce que comme les machines à prototypage rapide sont assez limitées en hauteur en fait, et que l'objet risque de tomber, c'est mieux de le faire dans le sens de la longueur à plat, et ensuite donc de coller les deux morceaux. Donc il y aura certainement des liens vers les photos de l'objet. Donc quand je suis parti, on avait terminé une moitié, il y avait l'autre moitié qui était en train de se terminer. Donc voilà. En une petite journée, vous pouvez avoir votre modèle sur mesure. Bon, il reste plus qu'à l'enduire, parce que la plupart des machines de prototypage rapide font des impressions avec du plastique, donc c'est pas terriblement sympathique comme contact. Donc le mieux, c'est d'acheter du silicone alimentaire ou d'autres trucs comme ça, et donc de faire soit un trempage de l'objet dans le silicone et de le laisser sécher, soit donc de faire des systèmes de moules et donc ensuite de mouler le silicone en fait à partir des choses qui ont été faites par la machine à prototypage rapide. Le plastique à la base qui est utilisé directement par la machine de prototypage rapide, c'est quel type de plastique? Alors là c'était soit de l'ABS soit en gros c'est des plastiques qui font il existe plusieurs variétés de plastique, ça peut être même jusque de l'amidon de maïs. Le problème c'est que c'est biodégradable, donc ça risque de se dégrader. Faut des plastiques qui sont qui se transforment avec la chaleur mais qui ne durcissent pas avec la chaleur. Par exemple la bakélite ou d'autres plastiques en fait vont durcir à la chaleur. Oui. Et ils seront plus travaillables. Et il vaut mieux éviter le plastique comme le PVC ou d'autres qui libèrent des substances toxiques. Mais donc ça, c'était un atelier qui a pris quand même pas mal de temps, pratiquement 24 heures pour créer et imprimer l'objet. Donc pendant cet atelier, on a un peu quitté le monde des technologies électroniques pour à partir d'objets du quotidien faire d'autres sextoys. Donc il y a le premier atelier qu'il a fait, c'est en fait un atelier qui est tiré de celui du centre LGBT J'en suis j'y reste, et qui avait été organisé par des membres des Flamants Roses, quelques militantes. D'ailleurs, c'est une émission qui se passe 2 heures plus tard que la nôtre, chaque c'est dimanche. À 21h. À 21h, oui, sur la même radio. Et donc, l'atelier a constitué la fabrication de harnais pour porter les Gone Michet faits par ordinateur ou d'autres, donc à base de. donc à base de chambres à air de VTT. Alors pourquoi des chambres à air de VTT? Parce que c'est du latex, du caoutchouc, que c'est noir, donc c'est sympathique. C'est pas cher, ça coûte 2,70€ à Decathlon pour deux chambres à air. C'est bien, tu viens de citer une marque à la radio. Oui. Ouais, bon, excuse-moi. Ouais. Si avec ça. Si avec ça, ouais. Et donc voilà, donc à partir de ces chambres à air, donc on découpe la chambre à air autour de la valve, de chaque côté, avec des ciseaux. On fait deux entailles de chaque côté de la bande de caoutchouc qu'on a. Donc des entailles qui font 5 mm de long sur 2 de large. Donc on récupère un fémidon. Un fémidon, c'est un préservatif féminin pour les personnes qui ne connaissent pas, qui est beaucoup plus grand et qui a la particularité d'avoir un anneau au fond du préservatif qui va s'ouvrir dans le col de l'utérus en fait. Donc c'est pour bien développer tout le préservatif à l'intérieur du vagin. Et on récupère l'anneau. Faut prévoir donc des mouchoirs ou torchons pour essuyer toute l'huile qu'il y a dans tout le lubrifiant qu'il y a dans le fémidon. Tu m'as fait peur, j'ai cru qu'on allait pleurer. Et donc ensuite, on vient placer l'anneau de fémidon de chaque côté des extrémités des bandes qu'on a entaillées sur 5 cm. Et on vient rifter chacune des deux bandes, des deux petites bandes de chaque côté, sur l'anneau en fait. Donc ça va prendre l'anneau au sein de la chambre à air. La chambre à air. Ensuite, donc il en faut normalement une deuxième qu'on va venir placer en bas. Donc de la même façon, on va rifter cette bande. Donc sur le dessous de l'anneau, et on le découpe dans tout le sens de sa longueur en deux parties qui vont venir passer en dessous de la zone pubienne et venir s'attacher derrière les fesses. Donc ça permet de bien maintenir le tout, et donc voilà. Ça c'est pour le harnais du coup. Ouais. Mais donc toujours avec ces mêmes chambres à air, de la même façon avec les rivets, on peut faire soit un baillon haut. Un baillon haut, c'est un baillon avec un anneau qui laisse la bouche ouverte. D'accord. Donc toujours avec un anneau de fémidon. Ou on peut faire des bracelets, genre les bracelets de force avec des pics. D'accord, un truc à punk. Voilà. Ce qui n'a pas été fait à cet atelier, mais ce qui sera peut-être fait dans un atelier futur au Templab ou ailleurs, c'est de déplier, d'avoir la plus grande surface de latex possible, et donc de faire des boxers, t-shirts ou à partir de l'atelier underwear DIY. Voilà. Et c'est peut-être un atelier qui arrivera. Là vu qu'on parlait de baillon, à partir d'une balle de squash, avec juste un fil de fer qu'on vient faire traverser de part en part de la balle, on peut donc attacher des morceaux donc de chambre à air, des lanières de chambre à air, pour faire un baillon boule. Bon, le fait d'attacher la balle avec un fil de fer, ça peut être dangereux, donc il faut vraiment faire les nœuds de fil de fer vraiment très courts pour éviter que ça touche les commissures des lèvres. Et je suis pas sûr que la balle de squash dans le temps tienne bien, donc il faudrait peut-être la réenduire de silicone ou changer de balle. Ça c'est l'accessoire spécial GCU. Oui, parce que le groupe GCU Greek Coder United avait fait une animation du salon Solution Linux en 2008 qui s'appelait SM 2008. SM 2008, ouais. Donc, ouais. Bon, SL 2008, bon. SM 2008. Tout, j'ai peur quand tu fais. mais non, je vais pas l'utiliser, enfin, pas tout de suite. Je crains pour ma vie. Après l'émission. Je suis menacé par un martinet en chambre à air. Et oui, donc toujours avec la même chambre à air, donc on a fait des martinets, on en a fait trois, où on a changé les tailles de manches. De manches. On a varié l'épaisseur des lanières. Donc en fait pour faire un martinet, il faut donc récupérer un morceau de chambre à air plutôt petit, genre un tiers de chambre à air ou un quart de chambre à air en longueur. Ensuite le découper d'un côté, dans le sens. Il faut le découper juste d'un côté de la couture pour avoir la plus grande longueur possible et la plus grande largeur possible. Il faut couper dans le sens de la longueur. Ensuite, donc il y a une petite base de 5 cm qu'on va enrouler autour du manche. Donc le manche, ça peut être un bout de balai ou tout objet cylindrique qui fait à peu près une bonne quinzaine de centimètres, c'est bien. De millimètres, ouais, de centimètres en longueur. Et donc on va enrouler le latex, la chambre à air autour. Donc on garde 5 cm pour pouvoir accrocher la chambre à air au manche. Et sinon, tout le reste, on le découpe, on le fend dans le sens de la longueur en petites lanières. Donc plus les lanières vont être larges en fait, je ne me souviens plus exactement. Donc plus les lanières vont être larges, plus la douleur va être diffuse et va durer longtemps. Et plus elles sont petites, plus ça va être donc une douleur vive et qui part vite. Enfin, je suis pas sûr. C'est peut-être l'inverse. Hein. Faut essayer. Ouais, moi je te dis que t'es. J'ai servi de testeur pour le. Pardon aux familles, tout ça, mais j'ai servi de testeur, et ça fait mal sur le coup, mais c'est pas... Après, t'as peut-être pas su taper très très fort, Charles. Je ne sais pas, on réessayera. On réessayera, nous réessayerons. Et donc là qu'on a fait les lanières, on vient donc enrouler les 5 cm qui n'ont pas été découpés autour d'une extrémité du manche. Et donc nous, on a fait le choix de faire un truc tout en caoutchouc, tout en chambre à air. Et donc là, on vient mettre une petite lanière de 1,5 cm, 2 cm, en fait, donc un autre bout de chambre à air, parce qu'il y a toujours plein de chutes qui restent. Et donc cette lanière, on vient l'enrouler un peu comme pour protéger une raquette de tennis. Il y a des protections pour raquettes de tennis qu'on vient enrouler. Donc de la même façon, on vient le mettre tout le long du manche. Et il y a juste à mettre un bout de scotch ou une agrafe ou de la semence de tapissier sur le. Oui, les clous pour attacher les. Oui, j'allais dire de la semence de tapissier. C'est la semence d'un mec qui fait de la tapisserie. C'est des clous qui sont faits pour refaire les galettes de garniture de fauteuil. Oui. Ou dans les musées, c'est les clous aussi qui servent à attacher les toiles sur les châssis en bois. D'accord. Donc ça tient bien c'est des clous à grande tête et petites extrémités. Mmh. Et donc ça tient bien en fait les textiles ou le caoutchouc sur. C'est pas encore terminé parce que je pense que au fur et à mesure des semaines il y aura encore pas mal d'expérimentation, d'amélioration. Il y aura certainement des tests, donc oui. Voilà. Et pour situer un petit peu, pour résumer cet atelier, vous étiez combien de personnes ? Alors, on était au Templab aux alentours de 8-9 personnes, à peu près 40% de femmes et 60% d'hommes. D'accord. Voilà. Et tout le monde a réussi à repartir avec son petit jouet ? Où il y avait des gens qui étaient plus en spectateur, où il y a vraiment les gens étaient là pour participer. Bah, tout le monde a vraiment participé, mis des idées, fait des tests. Il y a des personnes qui étaient qui n'ont pas l'usage, donc qui n'ont pas créé d'objets. D'accord. On est beaucoup à avoir testé. C'est quelque chose qui est relativement accessible parce que les machines à prototypage rapide, le plastique coûte très peu cher. On peut s'en sortir avec le budget équivalent d'un matériel classique qu'on va trouver à 20 ou 30 euros minimum dans un sex shop. Là, on a du sur-mesure pour autant. pour les bâillons boules ou le harnais ou le fouet, c'est des budgets qui vont de l'ordre de 2 à 7 euros. Donc par rapport à des trucs dans le commerce qui sont vendus entre un bâillon boule par exemple 10 euros ou 20 euros et d'autres choses, par exemple un harnais, ça va facilement dans les 50 ou 150 euros. C'est quand même relativement abordable et en plus c'est du sur mesure. Et puis c'est fait entre amis. Voilà. Amusons-nous entre amis. Sur l'impact en fait comment est-ce que cet atelier a été reçu au Templab, déjà premièrement, et deuxièmement sur, je crois que tu voulais parler d'une sociologue qui disait des conneries sur le milieu hacker. Oui, pendant qu'on faisait l'atelier, on suivait un peu aussi le reste de nos activités. Et donc il y a eu une sociologue qui a sorti une étude sur l'impact des hackers sur le... qui parlait dans son étude de l'impact des hackers sur la fuite des femmes du milieu informatique. Alors que les hackeuses présentes en fait avaient plutôt l'air de dire que c'était n'importe quoi, et je partageais un peu l'avis. L'auteur du rapport de l'étude disait que les hackers étaient profondément asociaux, qu'ils étaient repoussants, que c'est la caricature du nerd, du geek, du hacker et de l'informaticien tout à fait mélangé. Alors il y a effectivement des problèmes de comportement machiste dans le mouvement hacker, comme chez les informaticiens, comme chez les geeks. Comme partout. Il y a typiquement dans le milieu informatique des comportements machistes assez poussés, mais je pense que c'est plus global À la société, c'est-à-dire que les mêmes... Est-ce que ce serait pas tout bêtement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hommes et très peu de femmes pour expliquer et faire de la pédagogie sur la discrimination faite aux femmes et pas qu'aux femmes d'ailleurs, les comportements machistes, c'est souvent aussi homophobe. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il y a pas un manque d'éducation tout bêtement qui fait qu'il y a un certain nombre de débordements qui sont... Est-ce que c'est que des débordements d'abord? Est-ce que c'est pas la majorité? Au Templab, il y a l'équipe qui est vraiment féminisée, donc il y a quand même pas mal d'éducation. Je pense pas que au niveau du Templab, l'éducation se fait. C'est aussi pour ça que l'atelier s'est bien passé, qu'il y avait une bonne ambiance. Il y a pas de gros macho avec des. Je pense que dans le milieu hacker, on est plus à même de d'arriver à construire et déconstruire ce qui nous entoure, d'avoir du recul et l'analyse nécessaire sur ce qui est des comportements que la société nous impose et ceux qu'on peut choisir sciemment. On va passer à l'agenda. Ouais, l'agenda rapide parce que sinon on va encore déborder, on va finir par se faire engueuler à déborder tout le temps de l'émission. Première chose dans l'agenda, mardi 31 août, ce sera la clôture des candidatures pour les HackWix numéro 2. Donc hackwix.iplug.fr, hackwix.iplug.org/fr, et puis on aura toutes les infos là-dessus. On en reparlera un petit peu des HackWix, je pense, par la suite. Vendredi 3 septembre 2010, ce sera la veille du début de la braderie de Lille. Et ce sera donc le meeting de 1600 Lille, comme chaque premier vendredi du mois. www.2600lille.org pour toutes les informations. Et le lendemain, braderie de Lille. Tadadadam, samedi 4 et dimanche 5 septembre, ce sera la braderie de Lille. Alors, le groupe Dégénéré Sciences Lille tiendra un stand au village des logiciels libres. Ce sera place du Vieux Marché aux Chevaux, en face du Café Citoyen. Le stand, le village des logiciels libres est organisé par l'association Ch'tinux. Il y aura plein de monde vachement bien. Bon, il y aura Ch'tinux, il y aura la Free Software Foundation Europe, il y aura Hackable Devices, et il y aura l'association Le Local Host qui tiendra également un stand. Donc il y aura quand même une visibilité hacker à ce niveau-là. On avait dit également que CLX, l'AutreNet, FDN et Akissi seront au niveau des locaux de l'UFJ. Qui se trouve 1 rue Macquart à Lille. Donc c'est du côté de l'esplanade du Champ de Mars. Du Champ de Mars, ouais, en fait. Pas loin des manèges. Vendredi 3 au dimanche 5 septembre 2010, il y aura également le Wireless Battle Mesh version 3.14.16, c'est à Florentville en Belgique. toutes les infos sur battlemesh.org, mais on s'en fout, ça sera pendant la braderie, donc on sera pas là-bas, hein, de toute façon, voilà. Dimanche 12 septembre, ce sera Random 23, 19-20h, Radio Campus Lille. Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre, ce sera le week-end de soutien à l'hébergeur associatif Toile Libre. Ce sera à la CIP, Coordination des Intermittents et Précaires, au 14 rue de Charente, à Paris, dans le 19e. Ainsi que le deuxième atelier sextoy, pour ceux qui l'ont raté. Mais la date est encore à confirmer. D'accord. Date à confirmer également, on va peut-être en parler après. Du samedi 18 et dimanche 19 septembre, il y aura le Hacktivity 2010. Hacktivity 2010. Ce sera à Budapest, en Hongrie. Toutes les informations sur hacktivity.hu. Dimanche 26 septembre, Random 24. Vendredi 1er octobre, meeting de 1600 livres du mois d'octobre. Le PHSF, c'est quand? C'est 27, 28, 29 octobre, c'est ça? Fin octobre, la date a été confirmée. Il y a eu un appel à contribution qui a été lancé donc pour le PHSF, donc Plastic Hackerspace Festival, qui sera organisé fin octobre au Temp Lab, hein, le Hackerspace à Vitry-sur-Seine, RERC, les Ardoines. Il y aura le PHSF, ils refont un HSF en 2010. L'appel à contribution, je voulais le lire en fait, mais je l'ai oublié de l'imprimer, tant pis, je le lirai pour la prochaine fois, promis. Et ça fait plaisir, encore un Hackerspace Fest à Vitry-sur-Seine, cool. En plus sur un thème un peu différent. Où on sera certainement présent d'ailleurs. Où on ira, ne serait-ce que pour prendre du son pour Random, on ira là-bas. Et les contributions sont à envoyer jusqu'à avant début octobre. Alors là on a dépassé, on va enchaîner avec Choupapimento et puis on votre émission d'électro préférée. Dans deux semaines, à très bientôt. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bon dimanche. Au revoir. Vous croyez que vous deviez respecter mes ordres à la lettre. Je sais, mais j'ai envie de prendre les commandes. Nous voulions assurer votre protection. Ne sois pas ridicule. Mon ordinateur. Tu es dans la matrice. Mes ordres à la lettre. Mais j'ai envie de prendre les commandes. Random, le magazine de la contre-culture hacker, du bidouillage, des libertés numériques et de la société de l'information. Un dimanche sur deux sur Radio Campus 106,6 FM. Regarde par toi-même. Quoi, tout de suite? Oui, tout de suite. Choupapimento, Radio Campus.